entendre Mon Serge avec les patates, Pierre Mikhalov et Jim Birkin sans toi. C'est beau. Tout ça, c'est KL 89.1 à Québec. Oui, comme il dit, c'est KL. Il a entièrement raison. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau le monde, c'est beau la terre. Et dire qu'on n'a pas pu se défaire de la guerre. C'est vrai, hein? C'est beau la terre, mais pourquoi on ne sait pas jamais défait de la guerre? Intéressant. Là, est-ce que je peux trouver... ici. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Nous avons pris quelques temps de retard, mais nous reprendrons peut-être. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ça dérange pas, c'est KRL, là, ce que je lui dis pas. C'est vrai. C'est à la station, là, je m'en sonne pas. Oh, j'ai fait 2h15, 2h15. Ouais, 2h. Quand je dis, oh, 2h10, 2h, là, je donne le DVD, mais ils disent rien. C'est mes amis, je les aime. Alors là, ici, maintenant, attribuons à mon ami, jusqu'au moment où on va dire, hey, on va couper! C'est 2h pile! Ouais, mais 2h02, ben, 2h02, 2h15, bon, ok, 2h15, 2h20, mais ben, là, Daniel Mercou, ok, 2h15. Ah, ben, Daniel Mercou, ok, 2h05, 2h, Daniel Mercou, 2h, Daniel Mercou, 1h, Daniel Mercou, voudrait pas, là, c'est 2h, ok. Alors, là, ici, et maintenant, pour les gens qui ne savent pas, Daniel Mercou, c'est celui qui, je vous le disais tout à l'heure, là, mais pour les néophytes de la station de CKRL, c'est notre oreille bionique, qui capte toute la musique. Avec lui, vous pouvez parler de Neil Young, de Camille, de Gabadou, le grand Gadabagou. Il connaît pas Gadabagou, voyons, dans... Il a fait son succès, là. Gadabadou, c'est tout. Gadabadou, c'est nous. Gadabadou, le mot. Gadabadou, c'est dur, Gadabadou. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouais, Daniel, ne cherche pas Gadabadou, ça gueule. C'est Gadabadou, doudou, awedenomou, le mané, yabet. On l'a fait, ça. Et là, ici, maintenant, attribuons à mon ami Charles Bukowski. On va lui ouvrir un petit coin de bar, on va lui offrir un petit coin singulier. Et extrait dans son recueil Contes et Nouvelles, il nous donnera un titre et nous improviserons avec cet élancé que Charles nous a légué. Légué, Debussy. Georges était allongé dans sa caravane sur le dos. Il regardait une petite télé portative. Cette petite télé portative, moi, Charles Bukowski, ouais, on le sait, Charles Bukowski, ben oui, tu campes, là. Je ne campe pas, je suis. Ah, tu es, oh mon Dieu Seigneur, un problème mental de plus, il se prend pour Charles Bukowski. Non, mais moi puis Georges, on s'est dit, on va aller la trouver, la télévision. Là, on savait pas où, fait que là, on s'en va à New York. Hein, on est à New York sur la Gwen Stines Park. C'est pas une rue, ça? Ben oui, le Gwen Stines Park, c'est la grande rue de New York, là, c'est comme les Champs-Élysées, c'est comme la première avenue à Québec, les Champs-Élysées à Paris, la rue de Vénus à Boîte-Marleau, et puis le chemin de la Lune sur Saturne. Connais-tu mais moi, j'ai tourné longtemps sur l'anus de Saturne, puis, ben là, l'anus, c'est bien beau, mais il faut rentrer dans le trou de pète. Ben oui, mais là, pas dans l'anus de Saturne! Qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Bon. Alors donc, Georges était allongé, puis là, moi, j'avais dit à l'époque, hein, branche ça par en arrière, ça là, cette TV-là. On a été voir le concessionnaire de TV, mais il nous a dit, ben là, écoute, on a plein d'affaires, là, on a la télé couleur, on a la télé portative, on a la télé noir et blanc, on a la télé qui ne télé pas trop. La télé t'oblise, qui, lorsque tu la regardes, elle t'oblise à la refixer. Ouais, mais faut-tu l'ouvrir? Non, vous la fermez. Ça prend pas d'électricité, ça. C'est une télétoublise. Oh, plus tu la regardes, plus tu l'oublises. Oh, j'aime ça, celle-là, là. On peut-tu prendre la télétoublise? Ben oui, non. Moi, j'ai pas de place pour ça. T'as-tu la grosseur de la télétoublise? Ce qu'il me faut, c'est une petite télé, moi, là. Ouais. Est-ce que si on choisit, monsieur, vous êtes un professionnel de la TV? Ben oui, adore, c'est TV Entrepôt en Camperton. Oui. Alors, si on prend la TV, excusez-moi, on est entre nous, là. Ben vas-y, voyons donc, vous êtes monsieur Bukowski. Monsieur qui? Charles Bukowski. Oh, monsieur Bukowski, oui. Est-ce que vous me connaissez? Ben, vous connaissez, vous venez nous me dire que vous êtes Charles Bukowski. Vous me connaissez? Ben oui, vous êtes monsieur Charles Bukowski. Oh, vous avez lu mes œuvres? Ben non! Je vous connais parce que vous vous êtes nommé. OK, bon. Alors, monsieur Charles Bukowski, je suis. Ben, on sait que vous êtes. Arrêtez de vous le dire, là. Ben, je me le dis pas, je vous le dis. Ben, OK, arrêtez de me le dire, je le sais. Bon. Excusez-moi, là, je prends quelques nerfs, quelquefois. Le nerf asiatique, parce que ça m'énerve. Les gens qui comprennent pas. Je comprends très bien. Vous êtes Charles Bukowski. Oui. C'est moi. Dites-moi, là, si on va venir à la question première. Ben, là, la première, la deuxième. Non, c'est la première. Si on s'ajoute la télé portative pour l'ami Georges, parce que Georges, écoute, excuse-moi, là, mais il est loin, là, mais il est vieux. Oui. Il voit pas clair. Oui. Est-ce que sa télé portative, puis en plus, c'est un vicieux. Pas un vicieux, non, mais... Eh bien, c'est ça. Est-ce que la télé portative, dans portative, il y a porno? Porno, portatif, porno. Mais il n'y a pas de porno dans le portatif. Mais comment ça? Mais ça dépend. Si vous diffusez du porno, il y en aura. Mais si c'est du portatif, pas porno, il n'y en aura pas. Hey, c'est compliqué une télé, hein? Ben là, ça dépend. Ben, ça dépend de quoi? Ben, vous voulez portatif? Oui. Ben, achetez une machine... Excusez-moi. Achetez une télé... Excusez-moi. Ben oui. Achetez une vidéo. Un vidéo et une vidéo. OK. Avez-vous la portative vidéo? On a ça aussi. C'est 150$. Oh, monsieur, 150$. US. US. US, qu'on s'en va avec ça? Ben, on s'en va nulle part, mais je vous inclus avec ça. Le film porno. Oh, la téléporto. Non, c'est pas là-dedans. Le porto est pas inclus. OK, excusez-moi. Hey, on va recommencer. Ben oui. Alors non, c'est la télé portative, le magnéto portatif et le film porno dans le magnéto portatif. Bon, je pense qu'on va acheter ça. Ouais, attends un peu. On va demander à Georges. Hey, Georges, mais moi, je regarde des télés HD, HB, HD, HK, HT. Ah oh non, on t'a acheté un été. Ah, oh, je laisse celle-là. Elle est achetée. Non, non. C'est pas la HT qu'on va vous acheter, monsieur, mon cher Georges. C'est pas HT qu'on va t'acheter. C'est la portative. Écoute, est-ce que tu veux venir ici? Ben, je vais venir. Ben oui, viens. Écoute-moi bien, mon Georges. Ouais. OK, ton vide de télé. Ouais. Portative. Oui, mais est-ce qu'on peut-tu voir des films porno? Oui. Écoute-moi. Oui. Je me suis arrangé avec le gars, là. Avec qui? Avec le vendeur. Oui. Tu vas voir ta télé portative. En dessous, tu vas voir la vidéo. OK? La vidéo VHS. VHS. HS. HS. Est-ce que c'est des VDS? Tu vas voir la cassette DS. Oh mon Dieu Seigneur, ça fait peur! Puis dans la cassette DS, tu vas voir une vidéo porno. Ben voyons donc! T'es mauvais, je sais pas combien! Ben là, je vais payer pour toi, puis on s'arrangera. Oh, c'est pas vrai, on s'en va avec ça! On s'en va avec ça. Oh, t'es mon meilleur, mon Charles! Ben, t'es mon meilleur, mon Charles! Ben, pas genre, c'est Charles! T'es mon meilleur, mon Charles! Merci. Alors, mon Charles, priez pour toi! Ben non, prie pas pour moi! Je veux surtout pas que tu pries pour moi, s'il vous plaît! Parce que prier pour moi, c'est me nuire! Hein, c'est m'amener des anges que je ne veux... à qui je ne veux rien savoir! Alors, l'errance rénaldienne... Je suis fâché, là, mais c'est Rénald Gagné qui parle maintenant, là. Hein, c'est vrai? On change de personnage. Ah, oh, t'es un grand monsieur. Non, ben, c'est un grand. En pied, 5 pieds 10. En mètre. 5 mètres et 2. Ben, voyons, c'est impossible, 5 mètres et 2. On peut pas toucher le plafond. Ben, je veux pas toucher le plafond, moi, là. Ben, voyons, non. T'es plafonné. Ça, c'est vrai. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Et puis, spéciale dédicace à Kenil Rival et à l'éternité photographe. L'éternité photographe, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il photographie des femmes noires. Toutes les femmes noires. Il les prend en photo. Il est un véritable vicelard dans le black. et je l'aime pour ça. Alors, cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivons, élèverons à bras de mots sur lui, celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'éclure ou de l'exclure. Comment qu'il dit là? Éclure, éclure. Mais c'est parce que j'ai tenté de mettre de tête. J'ai dit ma propriété, j'ai coupé le pas, coupé pas en dos, on comprend rien. C'est ça, ils ont coupé la prothèse en deux. Oui, mais attends, vas-y. Déshabilleront, poursuivront, élèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe trône. Trône. Je crois que dans notre société, on est davantage trôné par les intronants. Les intronants. Les gens qui ne trônent jamais. Oh, mon dieu. Les intropétants. Et plus tu pètes, moins t'es trôné. Oh, mon dieu. Et puis là, ce qu'on fait dans un trône, ben normalement, on régit. On régit quoi? On régit la société. On régit le peuple. Messieurs, ouais, et puis à part de ça, ben, on monte en haut, là, puis on regarde en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a de la belle chose à contrôler. Oh, c'est comme ça qu'on trône. Ben, moi, dans ma tête, là... Ouais, oh, monsieur, hey, attention, on va rentrer dans sa tête. Monsieur Jocelyn Tremblay. Oui. Monsieur Jocelyn Tremblay, demande au domicile. Oui. On va rentrer dans sa tête. Oh, mon doux. Alors, on demanderait à madame, à toutes les madames, à toutes les messieurs, à toutes les mademoiselles, si vous êtes dans votre véhicule, arrêtez votre véhicule, stationnez-le à gauche ou à droite, ça dépend. Si vous êtes sur l'autoroute, on va attendre quelques minutes pour que vous puissiez vous garer parce que là, il risque d'avoir des affaires assez étranges. Mais là, on peut pas, là, on est en pleine émission. Oui, c'est le chaos, c'est l'anarchie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est normal, c'est l'errance rénaldienne. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, rien, rien, on va se reposer les neurones en écoutant un peu de... Les forêts sortent des bois et viennent cornifler orage. Les maisons au bout du comté refinissent les chemins en gravier. Des fois on dirait quasiment qu'elles entrent dans les maisons sous l'allure d'un gars de 20 ans. Il sent déjà la poisson. Les rivières traînent des voyages de gros billots qui viennent de loin. Et quelquefois sur le rivage, il y en a qui s'arrêtent un brin. Les amoureux s'assoient dessus, se jasent en gras dans les verrues. Ils ont l'air purs comme des nonnes, mais ce sont des airs qu'ils se donnent. Quand ils se connaissent un petit peu mieux, dans un hôtel ratoureux, il se loue une chambre à 5 piastres et c'est mal la bonne place. Le genre de vie qu'il mène, c'est le genre de vie qu'il aime. Près d'une église, grosse comme Rome, il y a des curés tout gênés. Maintenant ils font leur pain somme après avoir tout commandé. Ils ont enlevé leur col romain. Ils ont des habits ordinaires et ont l'air quasiment chrétiens après avoir frôlé l'enfer. Près d'un building de 20 étages, il y a des Anglais ben sages qu'ont l'air con comme des radis, mais qui possèdent le pays. Leur cerveau tourne comme une caisse, et plus ils tournent, plus ils engraissent. C'est un cerveau d'économie qui peut manger n'importe qui. Nous autres qu'on est sans défense, qu'on garde pas à la dépense, on sait prier mais pas compter, alors on se fait toujours fourrer. Le genre de vie qu'ils mènent, c'est le genre de vie qu'ils aiment. La langue nous tourne drôlement, et ça finit en sacrement, en tabarnak, en Saint-Cyboire, en calissé, en ostensoir. C'est comme si, quand on est né, le bon Dieu nous avait posé une église dans le gorgoton, donc on reste dans la religion. Nos mouches sont tous des cas grissés, c'est un bam qui les a inventés. Ça sonne cru, ça sonne dru, ce n'est pas comme à l'institut, mais ça fait rien, on se comprend. On se dit non, quatre vérités, l'amour on l'a pas inventé, et c'est pas elle qui règne en temps. À grands coups de poing sur la gueule, on ne se sent jamais tout seul, mais quand vient le jour de Noël, on se donne des tas de bébés. Le genre de vie qu'ils mènent, c'est le genre de vie qu'ils aiment. Et pour finir, le cœur m'en vibre, vive le Québec libre. Mais les romans, que, les biographies que tu as écrit pour Hardy, tu as eu des échos, pas vraiment? Hardy non plus, ouais. Noir Désir? Et Noir Désir, oui, oui, oui. Okay. Oui. Parce que tu connais les gens qui sont autour de Noir Désir? Non, je connais juste un photographe qui est un bon copain, okay, à eux, et puis un auteur de polar qui est un et bon c'est copain qui aussi. Qui t'en a parlé? Mais disons que c'est la manageuse. Non, c'est la manageuse. Okay. Et c'est Jeannette. Que le groupe avait le bouquin a circulé, je leur ai envoyé, il a circulé, ils l'ont tous lu, et ils se sont reconnus dans le livre et ne se sont pas sentis trahis. Ils m'ont dit qu'il y avait une ou deux petites erreurs factuelles, des choses que je ne pouvais pas savoir, qui ne s'étaient pas passées comme ça. Okay. Notamment des choses. Tu modifies je vais modifier pour la réédition parce qu'il va sortir chez J'ai lu en poche. Okay. Ah oui, ok. Ouais. Alors, je sais pas, parce que J'ai lu, ils attendent la sortie de l'album pour le faire paraître. L'album de? De Noir Désir. Alors, l'album, il sortira quand? Personne ne le sait. Ah, il faut attendre l'album pour que J'ai lu. Est-ce que tous tes livres seront disponibles chez J'ai lu? Parce que J'ai lu, c'est accessible à tout le monde. Ouais, J'ai lu. Pour l'instant, ils ont acheté que Noir Désir. Ok, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. Ah oui. Et éventuellement, tu prépares des nouvelles créations, des nouvelles. Alors, j'espère faire un livre sur Jacquenot. Okay. J'espère, okay. Avec un ancien journaliste de Rock'n'Folk qui s'appelle Jean-Éric Perrin. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qui écrit comme moi, il est journaliste comme moi. Pigiste. Est-ce que tu t'estimes comme journaliste pigiste ou... Alors, enfin, techniquement, je suis journaliste aussi parce que, en fait, je bosse beaucoup pour France 3, pour une série de documentaires. Et sur mon bulletin de salaire, c'est marqué journaliste. Alors, je suis quelque part journaliste, France 3, auteur. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors, je fais une série de documentaires quotidiennes. Qui s'appelle quotidienne qui s'appelle travail. Ouais, on est trois auteurs, okay. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Mais un jour c'est toi, un autre jour ouais, c'est voilà. Alors ouais. Toi tu viens aux trois semaines. Comment? Et toi t'es aux trois jours ou quoi? Non, mais c'est à dire que en fait nous on a une somme de travail à faire. Ok. Après, on rend ce travail et après, il est monté, etc. Et puis, l'ordre de diffusion, après, c'est... Et ça parle de quoi? Alors, c'est sur... c'est avec les archives de l'INA. C'est des biographies en 26 minutes de comédiens. Ou des fois en 50 minutes aussi. Des fois, c'est deux fois 26. Ok. Quand c'est un comédien chevronné voilà. Comme Léo Ferré, tu peux comédien, musicien. Ok, juste comédien, musicien. Réalisateur. Ok. Quelquefois politicien, écrivain. Enfin, de personnalités qui ont marqué la mémoire collective. Et on retrace leur parcours avec les archives de l'INA. Ok. Et c'est Gilles Verland qui fait la voix off. Ah, mais ça pourrait être présenté sur Arte TV. Non, c'est France 3 là qui présente. C'est aussi le service public. Non, parce que ça serait plus accessible pour nous les. Ah ouais. Ouais. Et sinon, maintenant, parce que ça fait un travail de Arte TV, de Arte. Tu trouves pas que ça fait un cachet Arte? C'est traité quand même façon France 3. C'est traité grand tu public quand même. Ça? Oui, on vulgarise. Ils t'ont trouvé un jour de fête. et tes vrais parents hontement t'ont laissé il y a bien longtemps. Oh, petite fille princesse, ça se voit. Ton père est un roi, ton papa, qui sont ceux-là qui vivent avec toi? Regarde un peu la tronche à ta mère, tu n'es pas né de ça. Renifle un peu. KRL, cultive tes goûts. Oui, il nous cultive les goûts, mais en même temps, là, la machine est partie avant. Qu'est-ce qui se passe, là? Lorsque la machine part avant, ben là, tu dois meubler. Non, même pas longtemps, là, parce que on voudrait vous dire que nous avons entendu dans quelques minutes. Voilà, c'est le temps! Raymond Lévesque avec Mon Québec, mon ami Raymond. Pierre Mikhalov et Rita Mitsouko. Petite fille, princesse, à CKRL, et croyez-moi, Raymond, nous le retrouverons tout au long de mes errances et uniquement à CKRL au 89.1 à Québec. J'ai oublié de dire que c'est le 89, oui, 89, c'est bien beau, là. Les gens vont essayer, 89, il y a quoi, il y a 9, il y a 1, il y a 2, 89.1, point 1, c'est le point 1 qu'il nous faut. C'est le point 1 qu'il nous faut. C'est le point 1 qu'il nous faut. C'est le point 1 qu'il nous faut. C'est le point 1 qu'il nous faut. Il nous faut trouver la chaîne qui nous rallie maintenant. La chaîne qui nous rallie maintenant. C'est CKRLMF. C'est CKRLMF. CKRL. EMF, CKRL. EMF, CKRL. EMF, EMF, EMF, boop, boop, boop. EMF, pas AM, non, non, non. EMF. Et meuf, oh c'est pas vrai. Et meuf. Bon. Sur un souffle. Coupez-moi ça. Sur un souffle. Oui, merci. Monsieur. Est-ce qu'on est rendu? Oui. Sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien que j'ai rédigé comme cela. Fring! Le doigt dans le mef. C'est dans le nez. Non, mais moi, c'est dans le mef. Ah, oh, mais comment va ton mef? Il va très bien. Et ta mef? Ma mef va bien. Et mon mef aussi. Alors, non, c'est mon mef. Oh, mon Dieu. Et merci à toutes mes mefs de m'amener mon mef. La nuit se fend pour se diviser dans le clair-obscur. Oh, mon Dieu. On comprend pas. Ben oui, mais là, il faut rediviser la phrase. Je demanderai à mon amoureuse, à ma douce captive, à ma source divine. Comment elle s'appelle? Madame Zabé. Non, mais mademoiselle. Mademoiselle Zabé. La zé. Elle est très évasée, la Zaza. La nuit se fend pour se diviser dans le clair-obscur. Et c'est ainsi que la cure commence. Aïe, dans un noir total, presque automnal, reculé, jamais avancé, le petit nourrisson cherche le fanfaron. Non, c'est le fanfaron. Le fanfaron. Le manda... Non, le fanfaron. Là, ok, le fanfaron. Est-ce qu'on peut prendre le fanfaron en première ligne? Nous prendrons le texte théâtral comme il se doit, c'est-à-dire dans un jet premier. Oh mon Dieu Seigneur! Avez-vous le seau? Le seau. Pour le jet? On a le seau pour le jet. Alors, voulez-vous gicler plus loin? Nous allons gicler. Alors donc, comme nous disions avant la dame nous coupe le filonné. Non, c'est le frilonné. Le frilonné, excusez-moi. Vous êtes madame? Madame Bouquetière. Vous allez bien? Très bien, merci. Mais moi, je suis de l'art, bien sûr, abstrait. De la 5e francophonie de la Franco-Fronde, et oui, je trouve que votre œuvre est passablement obscure. On n'a pas compris, là, mais obscure dans quel sens? Mais dans le sens qu'on comprend rien. OK. Mais là, faut avoir du savoir universel, faut avoir des connaissances, là, faut pas être obscur parce qu'il faut être intelligent. Mais là, intelligent, dans quel sens? Mais dans quel sens d'avoir l'illumination dans la tête? Mais moi, j'ai rien. On le sait que t'as rien, c'est pour ça que t'aimes ça. Oh, mon Dieu, vous êtes direct. Très direct, voilà. Moi, je suis pas pauvre, il n'y a pas de quatre chemins, il n'y a pas trois chemins, il y a une direction, et c'est la direction que je veux bien lui mener. Oh, mon Dieu. Comment dois-je prendre ça? Ben, prenez ça comme vous voudrez, mais là, il n'y a pas autre chose. Mais moi, Monsieur Grenier! Monsieur Grenier, comment vous êtes? Ben, je suis respectueux devant l'intelligence, mais irrespectueux devant l'idiotie. Mais il y en a de l'idiotie. Ben oui, vous en êtes la preuve vivante. Right, but I cannot deny myself this luxury. Well, it's a bruising, shattering right, but I cannot deny myself this luxury.

ces maisons-là remercient des artistes qui, aujourd'hui, roulent comme... roulaient peut-être un peu moins, mais juste le fait de fermer la porte, Parfois, il y a des moments où les maisons de disques sont aux mains de gens stupides, oui, qui voient juste à très court terme, mais à très très très court terme. C'est-à-dire que c'est la mode des boys bands, on signe que des boys bands, et Nougaro, on ne voit pas assez, on vire Nougaro. Star Academy, hein. Voilà, c'est vision à très court terme. C'est aussi parce que les maisons de disques sont de plus en plus des multinationales, et que les bilans, les décisions ne sont pas prises dans le pays localement. La décision elle est prise à New York, okay. Elle est prise à New York, on fait un bilan comptable avec des codes barres, vous faites tel artiste, l'artiste X, il a généré combien, il a coûté combien. Et si la balance est déficitaire, on le vire. Alors l'artiste il peut s'appeler Higelin, il peut s'appeler Nougaro, il est viré s'il est déficitaire. C'est incroyable. Voilà. Et c'est parce que c'est de la gestion informatisée des choses, c'est pas de la gestion artistique ni humaine. Cultive tes goûts. Oui, mais vas-y. Fous-moi la paix. Tu le groupes Easy Rider, Pierre Mikhailov et Annie Corti, Tata Yo-Yo. Oui, mais attention. Si. Oui, c'est ça, parce que je sais que... Charles Saint-Denis, notre gloire locale, signor... J'empiète sur l'autre affaire que je dois vous faire divulguer avant, puis là, on ne sait pas. Où est-ce qu'on s'en va? Ben, on sait très bien, là. Mais on veut avant tout se demander si tout est sous contrôle. Est-ce que c'est sous contrôle, Mme Tremblay? On ne sait pas. On écoute. Ben, on écoute quoi? Et c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? OK, alors, donc, on y va. C'est pas respectueux, hein? C'est pas respectueux de ce qu'on veut, hein? Non, parce que ça bloque. Ça bloque quoi? Ça bloque la connaissance générale, hein, mon Dieu Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien. Entendez-vous? Mais non, on n'entend rien. Ah, mon Dieu. Quand on n'entend rien, on doit faire ça, comme ça ici. Hey, laissez-moi vous dire que le Conseil de presse du Québec juge que l'animateur, et là, je tiens à presser sur l'animateur, oui, d'Errance Rénaldienne, merci de vous le me l'amener avec une musique. Oui, merci, merci. On reconnaît le zeste. Oui, merci. Oui, d'accord, merci MC. Et puis, le conseil. Oui. D'accord. Fous-moi la paix. OK. OK. Alors donc, le conseil de presse du Québec juge. Comment qui s'est passé là? Mais non, on écoutait, hein, c'était audible. Ben oui, on dort, t'étais mêlé. Non, pas mêlé. Les rangs n'est jamais mêlé. L'émission n'est jamais explosive en dehors des sentiers battus. Elle est contrôlée par... on n'ose pas le dire, là, mais dites-le. Lisez, lisez, nous liserons. Non, lisez, nous lis, nous lisons, nous lisons, lisons. Lisons, il faut nous séparer, rencontrer le pavé entre le bien et le mal. Mais tu vois, moi, l'animal, oh, lisons, il faut nous séparer. Le conseil de presse du Québec juge que l'animateur Rénal Gagné effectue bel et bien un travail assimilable à celui du journaleux Graveleux. C'est bien quand même, merci. Alors, encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Là, les gens vont s'imaginer que, oui, relatons l'histoire d'une icône illustrée, Ulysse, pas Ulysse au pays du merveille, non. C'est Ulysse au pays des merveilles. Oui. Alors donc, une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant, Richard Bédard, alias Richard Anthony. Richard Anthony, c'est le mec, le chanteur des années 60-70, Je t'aime ce soir. C'est pas Richard Anthony, ça. Mais non, c'est le grand Richard Anthony de Québec. Voyons, donc personne s'en souvient. Oh. On est devant un public austère, irréfléchi, d'un autre quotidien, d'une autre extravagance. Alors, de la nouveauté, vous en aurez, parce que nous hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous. Alors, Richard Anthony, c'est qui? Ben voyons, dans ce chanteur-là. Nous sommes des amoureux d'un autre temps. Nous sommes des amoureux. Avons-nous le temps de réfléchir à cette rengaine qui nous fait perdre la gaine, le passé de notre histoire d'amour? Ton cœur bat, mon cœur bat, tout bat pour notre amour. Dans le cœur de moi, Richard. C'est quoi ça? C'est la chute. Oh, excuse-moi. La chute. Non, c'est pas ça la chute. Vas-y. Monsieur. Ah non, il y a eu. Richard. Deuxième cas, quoi. Hey. Allô? Je suis de quelque part et je vais vers quelque chose. Cet illustre émancipé que j'appelle la volupté. Je veux la conquérir saine, je veux la montrer des scènes, pour lui dire que je l'aime, et ce soir dans l'amour et des chèques. De la nouveauté, hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface et crânique sonore La fille coupée en deux. C'est un film français réalisé par Feu Claude Chabrol depuis si peu de temps, sorti en 2007. Sorti, et Jean-Marc, on a dit sorti. On n'a pas dit entrée. On a dit sortie. On n'a pas dit entrée. Sortie. Fous-moi la paix. Merci. Charles Saint-Denis, notre gloire locale, signera lundi son livre à la librairie Giraudet. Je s'en foutrais de la gloire locale. Quoi, Paul? Oh, qu'est-ce que vous lui trouvez à cette ordure, là? Bah, cette ordure, ben quand même, elle a la compo facile, hein. Elle a dit « Je suis venu de quelque part ». Et puis tout le monde a dit « Oh, ben c'est génial !» Y a rien de génial, « Je suis venu de quelque part ». Tout le monde a écrit ça dans sa vie, là. Putain de bordel de merde, où est ce foutu générique? Même Tony Truant, lui, dans sa dernière chanson, son dernier disque, l'œil américain, il a dit « On la retrouve ici maintenant ». Et c'est tout sublime, ça, là. Pourquoi lui donner autant d'intérêt, elle qui n'a pas le couplet facile? Cette petite énergumène que toi et moi, un jour... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit elle mène de qui? Et puis, nous devrons quitter... Il est complètement parti, mais on comprend rien. Est-ce que des chansons extraterrestres? Chansons extraterrestres deviennent ici extravagants. Mais de rien, de tout, on ne sait pas, mais peut-être que des symboles étranges venus d'ailleurs vous parviendront ce soir ou dans quelques jours avant la dernière errance. Pardonnez-moi, écrivez-moi, Arenal Québec, RYNALDQUEBEC, à commercial, hotmail.com, ou vous pouvez devenir mon ami Facebook, c'est simple, comme un enfant qui provoque l'adulte. En disant, moi je suis capable, toi t'es pas capable. Excuse-moi. Rénald Gagné. Gagné. RAYNALDGAGNE, accent aigu. Rénald, RAYNALDGAGNE, accent aigu. Et on le sait, là, arrête d'arrêter tout ça, là. Oui, mais là. J'aimerais que vous écoutiez mon ami Tony Truant, que je vais rencontrer en 2011, et qui vous divulguera lui-même votre amour infini, parce qu'il adore le Québec, il adore les femmes françaises et québécoises, surtout québécoises, venues de Québec et du Québec, mais de Québec avant tout, parce qu'il l'a dit. Je ne peux pas le dire. Et ensuite, Lucien Francoeur avec Marlène. À CKRL, le 89.1, votre radio à Québec. Merci, bye, à la prochaine. C'était Errance Rénaldienne. Je dis à chaque fois que ça sera mieux, puis on se le souhaite. OK, on se le souhaite. On se frappe sur la main et on se dit... Ce sera meilleur la prochaine fois. Quoique maintenant, là, c'était quand même assez exceptionnel, avec des petits problèmes techniques comme on les aime. Parce que je viens de la campagne, tu crois que c'est facile de me baiser. Ça ne marche plus le coup de la panne, je ne t'empêcherai pas de rêver. De partout les voyous des si la bonne sous-soupe, t'as dû encore péter une soupape. C'est pas bon pour le moral de la troupe.